Biatch, biatch, yeah. Tu te reconnaîtras, non? Eh oui, hein. Si, si, non. Tu sais pourquoi? Non, parce que dès que je te vois, j'ai les tripes qui partent en vrille. Ça me fait à chaque fois, je repense à comment tu m'as fait souffrir. Quand je pars dans mes délires, il y a des scènes chaudes. Je te vois sourire, jouir, t'appelles bébé, tu es sa chose. Dans ces moments glauques, je prendrai un glock, une balle dans ma tête. Quelque chose me bloque, me met un stop, ma musique m'arrête. Je retransmets au mieux ce que je peux, me brûle avec le feu. FI2ZY joue à un jeu dangereux. Je t'oublierai aussi vite qu'une pute enlève son string. Je te remercie d'ici, ton lyrics m'a fait zizir. Pour me reconquérir, tu utiliseras des subterfuges. Me diras, tu es enceinte, tu le gardes et que ça urge. Je ne tombe pas dans le panneau, tu seras déçu. Le TGV arrive, il ne manquait que lui pour te passer dessus. Tu crois m'atteindre, cesse de jeûne. Je vais te repeindre avec mon sperme. Une bonne bite, tu ne mérites aucun doute. Ça t'excite, salope, reconnais-toi. C'est sur toi que je crache, sur ces sons électro. Tu danses en boîte comme une billage. Tu crois m'atteindre, cesse de jeûne. Je vais te repeindre avec mon sperme. Une bonne bite, tu ne mérites aucun doute. Ça t'excite, salope, reconnais-toi. C'est sur toi que je crache, sur ces sons électro. Tu danses en boîte comme une billage. Je me rappelle de toi quand j'ai les mains dans la mer. Je me débrouille mieux sans toi, ça se voit et je gère. Je n'oublierai jamais à quel point je t'ai baisé, à quel point tu es taré, à quel point tu me fais pitié. Je suis tes exploits sur ton blog, expose ton nouveau code. Il paraît qu'être une pute c'est devenu à la mode. Laisse-moi rire, ça me fait plaisir. Ne change pas, reste comme ça pour ton avenir. Je ne sais pas où tu vas. À vrai dire, je m'en branle. Je t'attache avec une sangle. Je voudrais te fouetter jusqu'à ce que tu te mettes à saigner. Dans ces moments de haine, moi-même je me fais de la peine. Je te prenais pour une reine, mais en fait tu n'es qu'une chienne. Ce F tatoué veut dire famille ou fizzy. Moi je dis fuck, lève mon majeur et te mets des pop, pop, yeah. Tu crois m'atteindre, cesse de jeûne. Je vais te repeindre avec mon sperme. Une bonne bite, tu ne mérites aucun doute. Ça t'excite, salope, reconnais-toi. C'est sur toi que je crache, sur ces sons électro. Tu danses en boîte comme une billage. Tu crois m'atteindre, cesse de jeûne. Je vais te repeindre avec mon sperme. Une bonne bite, tu ne mérites aucun doute. Ça t'excite, salope, reconnais-toi. C'est sur toi que je crache, sur ces sons électro. Tu danses en boîte comme une billage.